Vous vous installez confortablement, le dos droit, les épaules décontractées. Nous allons reprendre ce voyage à l'intérieur de notre être. Retrouver notre histoire, notre identité profonde. Nous fermons les yeux et vous portez tout doucement votre attention sur votre respiration. Observez simplement vous observez le passage de l'air dans vos poumons, force du prana, force de vie. Votre respiration est douce, profonde. Vous portez tout doucement maintenant votre attention au creux de la paume de vos mains. Vous regardez simplement. Vous observez. Vos mains sont posées sur vos genoux. Paume de main tournée vers le ciel. Et vous ressentez peut-être un échauffement, un picotement, de léchers mouvements d'énergie. Acceptez-les simplement. Regardez-les. Portez maintenant tout doucement votre attention au creux de la plante de vos pieds. Regardez-les simplement. Observez-les. Vous ressentez votre lien à la terre, l'énergie qui passe dans vos pieds. Et moins que l'eau de vos jambes, jusqu'à votre bassin. Vous ressentez sa protection, sa chaleur, et vous êtes bien, détendu. Thank you. ressentez cette chaleur irradiée au bas de votre colonne vertébrale. Vous vous sentez bien. Et nous sentons cette chaleur remonter à l'intérieur de nous, jusqu'au niveau de notre ventre. Ventre, matrice de la vie. La vie est une succession de vies, un peu comme une promenade au fil de l'eau, faite de rencontres, d'escale. Dans un mouvement perpétuel, harmonieux. L'harmonie de la force de la vie. Cette vie qui est présente dans votre ventre. Vous sentez une couleur orange qui s'installe au niveau de votre ventre. Une belle couleur orange. L'orange du soleil levant. Chaleur irradie. Elle vous inonde. Elle vous enveloppe. Vous vous laissez porter par elle. Au gré de cette rivière. Au gré de cette musique. Elle pénètre maintenant par tous les pores de votre peau. Elle pénètre tous vos organes. Apportant l'énergie de la vie à chacune de vos cellules. Vous ressentez qu'à certains endroits, elle passe plus difficilement. Dirigez-la maintenant. Plus particulièrement vers ces endroits-là. Laissez-la baigner les organes qui la réclament. Elle vous apporte bien-être. Elle vous apporte joie. Gaieté, bonheur. Vous vibrez au rythme de cette couleur orange. Vous vous sentez enveloppé. Vous vous sentez dans les bras d'un être aimé et aimant qui vous entoure de sa tendresse. En fait, vous êtes à l'intérieur de vous-même. À l'intérieur de votre maison, de votre cocon. Cette couleur orange est là. Elle est votre source d'imagination. Elle est votre source d'inspiration. Elle est votre source intérieure. Écoutez. Écoutez cette voix qui vous parle. Qui vous parle de la vie. Qui vous parle de l'amour. Écoutez-la. Là, à l'intérieur de vous, vous êtes cet enfant, il sait ce dont vous avez besoin. Il connaît votre route. Il connaît le but de votre âme. Cet enfant, c'est vous. Écoutez-le. Cet enfant est votre source intérieure. Elle vous donne des messages. Amène des images, des mots, des symboles. Elle répond à vos questions. C'est votre petite voix intérieure. Envoyez maintenant cette couleur orange tout autour de la Terre. qu'elle soit, source intérieure de la terre et de l'humanité. Voyez cette couleur entourer toute la terre et apporter vie, création, gaieté, joie, bonheur. Elle est la vie. Remerciez votre source intérieure pour le merveilleux cadeau qu'elle vient de vous faire. Vous saurez maintenant que vous pouvez toujours vous relier à elle et obtenir les réponses que vous désirez. Retrouvez le chemin de votre âme. Vous allez petit à petit revenir à la surface de vous-même. Et retrouver vos perceptions physiques, votre contact avec la matière, en gardant toujours à l'intérieur de vous, cette source orange, cette voix intérieure. Et petit à petit, revenez à vous, et quand vous le souhaiterez, vous ouvrirez les yeux, vous vous étirerez, vous êtes là, ici et maintenant.